Dès ce jour, pendant environ 3 mois, la veuve Vauquer profita du coiffeur de M. Gorillot et fit quelques frais de toilette, excusée par la nécessité de donner à sa maison un certain décorum en harmonie avec les personnes honorables qui la fréquentaient. Elle s'intrigua beaucoup pour changer le personnel de ses pensionnaires, en affichant la prétention de n'accepter désormais que les gens les plus distingués sous tous les rapports. Un étranger se présentait-il? Elle lui vantait la préférence que M. Gorillot, un des négociants les plus notables et les plus respectables de Paris, lui avait accordé. Elle distribua des prospectus en tête desquels se lisait « Maison Vauquer ». C'était, disait-elle, une des plus anciennes et des plus estimées pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus agréables sur la vallée des Gobelins. On l'apercevait du troisième étage. Et un joli jardin, au bout duquel s'étendait une allée de tilleuls. Elle y parlait du bonheur et de la solitude. Ce prospectus lui amena Madame la comtesse de Lambert-Ménil, femme de 36 ans, qui attendait la fin de la liquidation et le règlement d'une pension qui lui était due en qualité de veuve d'un général mort sur les champs de bataille. Madame Vauquer soigna sa table, fit du feu dans les salons pendant près de 6 mois, éteint si bien les promesses de son prospectus qu'elle émit du sien. Aussi la comtesse disait-elle à Madame Vauquer, en l'appelant « chère amie », qu'elle lui procurerait la baronne de Vaumerlan et la veuve du colonel comte Picoiseau, deux de ses amis, qui achevaient au Marais leur terme dans une pension plus coûteuse que ne l'était la pension Vauquer. Ces dames seraient d'ailleurs fort à leur aise quand les bureaux de la guerre auraient fini leur travail. Mais, disait-elle, les bureaux ne terminent rien. Les deux veuves montaient ensemble, après le dîner, dans la chambre de Madame Vauquer, et y faisaient de petites causettes, en buvant du cassis et mangeant des friandises réservées pour la bouche de la maîtresse. Madame de Lambert-Ménil approuva beaucoup les vues de son hôtesse sur le Gorillot, vue excellente, qu'elle avait d'ailleurs devinée dès le premier jour. Elle le trouvait un homme parfait. « Ah, ma chère dame, un homme sain comme mon œil, lui disait la veuve, un homme parfaitement conservé, et qui peut encore donner bien de l'agrément à une femme. »